mon amour. Une qui vole des tours, un aller sans retour. Sur ce, je fais des tours, je suis dans les alentours. Ah là là, je vais t'aimer, j'ai envie de tout péter. J'ai la tête ailleurs au poteau, mais une galère, je vais t'aider. Ah là là, c'est bébé, dans les fours, c'est épais. Dans sa poche, les couteaux, ou marchandises équipées. Thank you.